Le personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Missassigny au numéro de téléphone 418-276-6102. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou varietélcr.ca. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde, 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien. 88-679-41-94. Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 Boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivités. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 88-679-33-39. Samedi 5 janvier, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des éclairs de Charlevoix au complexe sportif de Dolbeau. Prix du billet seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! C'est le commentaire hebdomadaire de notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil! Bonjour Danny! Phil, le championnat du monde de hockey, l'autopsie, je viens de la faire avec Dominique Ricard qui est analyste à RDS durant les matchs, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, l'ancien directeur général des voitures de Drummondville. Oui. Lui, il dit, garde, il dit, faut pas capoter avec ça. Il dit, on jouerait probablement le 2-3 matchs, que ce serait probablement, ça pourrait être, le résultat pourrait être différent. Ben, écoute, quand on regarde un peu, d'abord, c'est l'élite mondiale du hockey junior. Ouais. Du côté de l'équipe canadienne, il y avait 20 choix de première ronde qui étaient dans l'équipe canadienne. Et du côté de la Suède, il y en avait au moins 12 qui étaient des choix de première ronde également. Donc, d'un côté comme de l'autre, c'était vraiment l'élite. Moi, ce que je reproche aux instructeurs, et surtout à l'équipe canadienne, moi, je trouve qu'on jouait pour ne pas perdre, pas nécessairement pour gagner. Je veux dire par là, le système, tout est basé sur la défensive. Ouais. Exemple, des joueurs qui sont très talentueux en attaque, des gars comme Valeno et des gars comme Lafrenière, on n'a presque pas eu de glace. Pourquoi? Parce qu'on joue pour gagner 1-0 ou 2-1 maximum. Malheureusement, quand tu joues ce genre de partie-là, le Canadien l'a joué, l'équipe canadienne, c'était 1-0 avec 40 secondes à faire. Si tu joues ses talons, à la fin du match, on voyait très bien les 10 dernières minutes, on ne sortait pas de notre zone. Tout ce qu'on faisait, on arrivait à la ligne rouge, on mettait la rondelle dans le fond de la zone. Puis le Canada a eu ses chances également. On a eu un échappé avec 4 minutes à faire ou 5 minutes à faire, puis on n'a pas marqué. Ouais. Donc, à ce moment-là, je me dis simplement, c'est la façon que l'équipe canadienne joue. On veut absolument des spécialistes de la défensive, des joueurs de rôle, et on est là pour gagner la médaille d'or. L'équipe canadienne, là, est condamnée à gagner la médaille d'or. La médaille d'argent, rappelle-toi qu'il y a 2 ans, quand Nicolas Roy pour eux, puis ça a été en fusillade contre les États-Unis, puis on avait perdu, c'était le drame encore national. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument gagner la médaille d'or. À ce que je sache, là, les autres pays, la Russie, la Finlande, la Suède, qui n'a pas perdu un match du tournoi, ont été battus par la Suisse, qui n'est pas un grand pays, qui est quand même un pays où il y a des bons hockeyeurs, mais il n'y a pas de hockeyeurs de grand talent qui sont dans la Ligue nationale qui viennent de la Suisse, là. Donc, je regarde ça, puis je me dis, effectivement, c'est pas un drame, c'est pas la fin du monde, puis qu'on ait perdu en fusillade, ben écoute, ça aurait pu aller doter comme de l'eau. Et là, tout le monde blâme, exemple, le joueur qui a de Drummondville qui n'a pas réussi, qui n'a pas réussi à marquer en prolongation. En prolongation, c'est ça. Mais je me dis simplement, lors du lancer de punition, c'est que le gardien de l'autre côté, lui, là, sa mission, là, c'est pas de laisser passer la rondelle, là. Donnons crédit également au gardien de but adverse qui a fait l'arrêt, là. Mm-hmm. Il n'avait fait ça avec 4 minutes à faire également dans la rencontre, là. Mais il faut que tu aies opportuniste, Phil. Dans un match demain, il faut que tu aies opportuniste. Exact. Puis le Canada ne l'a pas été. Et deux, moi, je pense, honnêtement, on joue trop défensif, l'équipe canadienne. Dominique Ducharme n'avait pas cette mentalité-là. Joël Bouchard n'avait pas ce style de là. On voyait. Il a été de l'Ouest, hein? Ouais, marqué. Mais là, Tim Hunter, on essayait de jouer défensivement. C'est sa philosophie à lui. Mais lui, quand il a joué dans la Ligue nationale, il faisait quoi à part d'être un homme fort? Il jouait sur un trio défensif, puis les autres, c'était important, c'était pas de se faire marquer des buts. Parce que moi, ce qui me fait rire un peu, puis j'entends souvent les commentaires des instructeurs, on a arrêté 12 lancés, on a donné seulement que 10 chances de marquer. Hey, est-ce que je sache, là? C'est le pointage qui compte. C'est pas d'empêcher le gars de marquer, c'est le pointage qui compte à la fin. Si tu marques plus de buts que l'autre équipe, tu vas gagner. Moi, je trouve qu'on est actuellement parti sur un sens inverse. Cette année, tout le monde dans la Ligue nationale dit hey, qu'est-ce qui se passe s'ils se marquent des buts? Ouais. Ben, peut-être que les instructeurs ont changé un peu leur philosophie, puis on donne la chance à des équipes de jouer avec plus d'attaques, puis de donner plus d'opportunités. Exemple, puis je vais te donner un exemple qui est flagrant, puis quand on parle de ça, on parle de Charles Hudon. Charles Hudon ne peut pas jouer pour le Canadien de Montréal s'il n'est pas ses trois premiers trios. Le quatrième trio, il n'y a pas d'affaire là, parce que pourquoi? Parce que ça prend un trio défensif qui empêche l'équipe adverse de ne pas marquer. Et la preuve de ça, je regardais Pekka qui joue de façon régulière. Depuis le début de la saison, il y a 4 passes. Ouais. Il n'y a pas un but. Pourtant, Hudon est dans les estrades. Il pourrait marquer. Il a presque marqué 16 ou 17 buts l'année passée. C'est ça que je déplore un peu. Et le championnat du monde, un bel exemple, on joue des matchs très, très, très serrés de 1 à 0, 2 à 1, maximum 3 à 2. Pourquoi? Parce que les coachs jouent en fonction de dire c'est la défensive qui est prédominante dans le... Alors, mais t'as raison, Phil. Hein? Puis l'adage, tu sais, un dicton, la meilleure défensive, c'est l'attaque. Exact, t'as raison. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, puis je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ouais. Mais c'est pas la façon que jouent actuellement et dirigent les équipes de la Ligue nationale, puis les coachs, puis surtout hockey junior. Puis moi, je trouve ça malheureux. Écoute, le gars qui paye le billet, là, le gros prix, il veut quoi? Il veut marquer des buts, là. Par contre, quand Phil, tu sors de là et c'est marqué un but dans le match, t'as pas eu le temps de te défouler, t'as pas eu le temps de crier, t'as pas eu le temps d'applaudir, puis t'as pas eu l'atmosphère. Pourquoi? Parce que c'est un match plat, parce que ça joue 0-0, puis on donne pas de chance à l'autre. Mais c'est le style des coachs d'aujourd'hui qui veulent absolument. Moi, quand j'ai joué junior, ça veut dire que ça fait une éternité, là. Ouais. Et tu sais, qu'on pratiquait 2 contre 1, 3 contre 2, l'attaque à 5, puis essayer de bien jouer défensivement en désavantage numérique. Le reste du temps, là, hey, t'as dit que protéger des avances, puis de ces choses-là, puis bloquer lancer, là. C'était pas le langage que nos instructeurs utilisaient dans ce moment-là. Par contre, Phil, je te dirais, regarde la Suisse, qui va jouer en demi-finale, oui, c'est ce soir. La Suisse, eux autres, là, c'est pas l'équipe la plus talentueuse. Par contre, ils jouent un système, et ils appliquent bien le système. Mais ça, Danny, c'est vrai que c'est un bel exemple. Ouais. Mais une équipe qui a pas beaucoup de talent, c'est la façon qu'ils doivent jouer, et c'est plus facile de jouer ce style de jeu-là que s'ils veulent jouer attaque par attaque. Ouais. On sait bien que la Suisse, s'ils veulent jouer attaque contre la Russie ou contre l'équipe canadienne, ils peuvent pas rivaliser. La même chose contre la Suède l'autre soir. Ils ont marqué 2 buts rapidement. Qu'est-ce qu'ils ont fait, tu penses? Ouais. Ils se sont repliés en défensive. Puis là, ils ont tout tenté pour donner des chances de marquer à l'équipe adverse. Ils ont finalement, ils ont remporté la game 2 à 0. Mais honnêtement, leur style de jeu leur fait, eux autres, vraiment jouer défensivement pour une raison. Le talent n'est pas égal du côté de la Suisse avec la Suède, avec le Canada, avec la Russie, même avec les États-Unis. Donc, eux autres, s'ils veulent gagner, il faut qu'ils jouent défensif. Et ça, ils utilisent ça. Mais l'équipe canadienne, c'est pas le cas, là. On est supposé être rempli de talent en attaque. On est supposé d'être capable de marquer des buts. La Russie, la même chose. Mais on joue pas ce style de jeu-là. Mais Phil, donc tu es d'accord avec Dominique Ricard. Dominique Ricard m'a dit tantôt, il dit, regarde, je me pose des questions sur l'utilisation de Joe Veleno et Alexis Lafrenière. Ben oui, écoute, il ne s'est pas utilisé. Ouais, c'est des gars de talent. Hey, Lafrenière, il a marqué 40 buts à 16 ans l'année passée. Ouais. L'autre, cette année, la même chose avec Veleno. Il marque des buts à tonne. Les dernières semaines, Veleno, là, il marquait 3, puis 2, puis 1 but, puis 2 buts, puis 3 buts par match régulièrement. Là, tu sais quoi? Ils ont tellement mis de pression de dire qu'il faut jouer bien défensivement, que ces gars-là n'osent pas prendre l'attaque, n'osent pas prendre de chance, il essaie de ne pas faire marquer contre eux parce que c'est la priorité du coach de ne pas se faire marquer contre eux. Donc, ces gars, là, on les berne dans le talent qu'ils ont. Moi, la première, là, il n'est pas là pour jouer un quatrième trio. Là. Non, non, non. Tant qu'à ça, laisse-le à Drummondville. Laisse-le à Rimouski. On dit que c'est un il manquait de surdoué, mais il y en avait un surdoué. Tu sais, Connor McDavid et Sidney Crosby ont joué à 17 ans. Il n'est pas tellement loin de ces gars-là, là, la Lafrenière, là. Exactement. Mais lui, c'est un gars d'attaque. C'est un gars qui crée puis il a de l'imagination en attaque puis capable d'ouverture. Moi, c'est pour ça que quand je vois Comtois, qui n'est pas nécessairement le meilleur marqueur, et puis c'est lui qui a été désigné pour le lancer de punition. Un gars comme Valeno, un gars comme Lafrenière, c'est des gars qui marquent des buts à tonnes dans le junior. Puis là, je te crois, on leur a pas donné la chance de se faire valoir. Moi, je trouve ça malheureux pour ça. Okay. C'est plate pour ça. Mais le gars là, qui va être à blâmer, puis il commence déjà à faire l'analyse, c'était Monteur. Ouais. C'est lui qui prenait des décisions finales. La première chose qu'il a faite quand Lafrenière, il a dit qu'il était un touriste, qu'il prenait des chances, puis c'est pas ça qu'il voulait. C'est un gars de 17 ans, là. C'est pas un gars de 17 ans. Ça dénote l'esprit et la philosophie de Tim Hunter comme coach. Ouais, ouais. C'est un gars de 17 ans, c'est pas un gars de 20 ans. Là. 18 ans, exactement. 19 ans. T'sais. Phil, super, on fait une pause, on va parler du Canadien après la pause. Vous êtes à l'écoute de notre avec Phil Desgagnés sur les ondes de danadosport.com. Ici Luc Simard, préfet élu de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment privilégié où nous pouvons prendre le temps de célébrer avec nos proches. Profitez de cette période pour vous amuser, prendre un peu de recul et refaire vos forces. Pour 2019, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur et que la prochaine année vous permette de réaliser vos rêves les plus ambitieux. Joyeux Noël et bonne année! Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Direction du club de golf de Chibougamau-Chaparral, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. L'équipe de Polaire 3 désire souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de la confiance témoignée durant l'année 2018. Polaire 3, 373 Avenue de la Friche à Dolbeau-Mistassini, 418-276-5018 ou visitez lepolaire3.com. Samedi 5 janvier, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des éclairs de Charlevoix au complexe sportif de Dolbeau. Prix du billet seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! On est retour à danadosport.com. Phil, le Canadien, on est passé la période des fêtes. Je vais te dire une affaire encore sur... Si, historiquement parlant, le voyage des fêtes, ça en dit long sur le reste de la saison. Puis les mots, t'as dit, ils ont bien fait encore une fois. C'est sont vraiment surprenants. Il y a 4 victoires, il y a gagné 5. Hey, écoute, là... Puis, sans Carey Price, qui garde les filets en passant, là, moi, je suis un défenseur de Price, vous le savez très bien, puis je le dis régulièrement. Il garde les filets de façon... Je regardais depuis le 1er décembre, là, il y a 9 victoires, 2 défaites, puis il y a une moyenne de points mérités de 2.80 avec d'efficacité de 9.25, l'une des meilleures de la Ligue nationale. Et là, le Canadien marque quand même des buts. Il faut noter que le Canadien est capable de marquer des buts. Et ça, je pense que quand tu donnes un ou deux buts à un gardien comme Carey Price, t'es en voiture pour gagner des matchs. Là. Ouais. Et je pense que c'est un peu ce que le Canadien fait dernièrement. Et l'arrivée de Shea Weber a transformé la défensive du Canadien. Tu sais, les 25-30 minutes que prenaient certains joueurs, c'est Shea Weber qui les prend. Ces gars-là sont réduits maintenant à 13, 14, 15 minutes par match. C'est bien parfait. Mais Shea Weber prend les minutes qu'il doit prendre un défenseur numéro 1. Puis c'est exactement ce que fait le Canadien. Puis le Canadien joue bien depuis ce temps-là. Par contre, Phil, hier, je parlais avec Joe Hardy, puis je trouvais que Joe exagérait pas mal, là, puisque Joe disait que les journalistes... Ah, mais Joe, il aime pas exagérer. Joe, il disait que le Canadien avait pas besoin de défenseur gaucher, puis que c'était exagéré toute l'histoire de Shea Weber, puis tout un partenaire. Il a raison sur tes points. Non, tu sais, Shea Weber à rendre les défenseurs meilleurs. Par contre, écoute, du côté gauche, là, tu regardes ça. C'est parce que dans la Ligue nationale, c'est rendu, là, c'est seulement que ça, des techniques, là. C'est que le système de jeu, bloquer les lancers, ça prend un défenseur gaucher avec un défenseur droitier. Hey, moi, j'étais un ailier droit. J'ai joué une partie de ma carrière de hockey comme ailier gauche. Pourtant, des ailiers droits, il n'y avait pas une tonne, parce que mon coach voulait que je joue sur le premier trio, puis il y avait un ailier droit qui était bon sur le premier trio, ben il disait, ah, il file à gauche. Ouais. Sais-tu quoi? Ça m'empêcherait pas de jouer, ça m'empêcherait pas de marquer des buts, ça m'empêchait pas de... Hey, arrêtons de philosopher avec ça, là. Exemple, les Russes, dans 80% des cas, font jouer les joueurs à l'inverse de leur style de jeu. Tu sais, au lieu d'un droitier joue à gauche, puis un gaucher joue à droite, puis ça fonctionne quand même. Donc là, faut pas charrier non plus. Non, là. Moi, je pense que où c'est important, un droitier puis un gaucher, c'est probablement sur l'avantage numérique. Sur l'avantage numérique, où l'espace est quand même restreint parce qu'il y a toujours deux gars qui surveillent la pointe, c'est là qu'il y a une différence, je pense, importante d'un droitier ou un gaucher. Mais à part de ça, là, ça n'a pas tant de différence que ça. Le fil, écoute, depuis deux ans, on a perdu tout le côté gauche. Là. Ça n'a pas été, c'est pas avec des Schlemko, puis c'est pas avec des Jordy Benn est un sixième défenseur, un bon sixième d'attitude. Je pense que Emeline et Markov ont jamais été remplacés, à mon idée. Danny, quand on parle des problèmes défensifs du Canadien depuis deux ans, là, faut regarder plus loin que ça. Regardons au niveau de ce que tu appelles les défenseurs. Je pense que Shea Weber a été blessé presque de la moitié de la saison l'an passé. C'était la même chose cette année. Quand ton défenseur numéro un n'est pas là, ça affecte énormément la défensive. Le Canadien, avec Carey Price l'an passé, qui a manqué au-delà d'une trentaine de parties, cette année, qui a manqué quand même quelques rencontres, mais moins que les années antérieures, c'est la différence. Chez le Canadien de Montréal, la défensive, ça se résume à deux noms. Chez Weber et Carey Price. Quand ces deux-là sont en pleine forme, en pleine position de moyens, le Canadien, il va être au club défensivement. Ouais. Il se débrouille. Tu sais, je veux dire, mettez un certain moment cette année, il allait nulle part. Mais écoute-moi bien, là. Il jouait avec des gars qui sont des joueurs de quatrième et cinquième défenseur dans n'importe quel club de la Ligue nationale. Quand il joue avec Shea Weber, pas la même chose, là. Non, non. Quand il joue avec Petrie, c'est pas la même chose non plus. Non, non. C'est des très bons joueurs. Tu sais, c'est aussi bon que les joueurs qui sont avec toi. Ouais. Les gardiens sont aussi bons que la défensive est devant eux. Price, il sait une chose. Faut qu'il fasse le premier arrêt. À partir de là, moi, je regardais le Canadien avant. Les gars se promenaient devant le filet comme ils voulaient. Depuis que Shea Weber est venu, ça se promène-tu dans le filet? Avec ta coup de bâton, ben double échec, puis cross check, puis les gars, ils savent qu'ils vont manger des coups. Ils sont pas prêts toujours à manger des coups comme le fait Don Weber. Donc, à ce moment-là, ça change la défensive du Canadien. Moi, je pense que c'est là la différence chez le Canadien au moment où on se parle. Mais il y a des équipes qui vont être vendeurs, puis Marc Bergevin a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place sur son cap. Moi, je m'attends quand même à un défenseur gaucher arrivé à Montréal. Moi, je pense que le Canadien peut aller chercher. Moi, personnellement, je pense qu'il a besoin de renfort au niveau... peut-être d'un défenseur, oui, mais moi, je pense qu'on aurait besoin d'un très bon attaquant. Je pense que le Canadien, au niveau des joueurs de centre, là, c'est, on en parle longtemps. Moi, ce qui change la donne cette année, c'est notre joueur de 18 ans. Kotkaniemi, là, joue de façon exceptionnelle pour un gars de 18 ans. Là. Moi, il m'impressionne à chaque rencontre. Et plus la saison avance, meilleur il est. Là. Malgré tout le monde disant en début d'année, oui, il a 6 pieds 1, mais il pèse à peu près 160 livres. Il va se faire ramasser, il va se faire débattir. Jusqu'actuellement, c'est pas le cas. Il joue très bien, il se défend très bien, puis il est capable d'aller d'un coin de patinoire pour chercher la rondelle. Puis deux fois sur trois, il sort avec la rondelle. Donc, moi, ce gars-là m'impressionne énormément. Mais si le Canadien avait un autre joueur d'impact comme joueur de centre, tu sais, j'aime bien les joueurs de centre du Canadien, mais c'est des petits joueurs, puis c'est pas des joueurs de numéro un. Mais ça demeure quand même que, au moment où on se parle, je trouve que le Canadien joue bien. Regarde Ben. Ben, l'année passée, connaissait quand même une saison pas pire. Cette année, il y a eu des hauts et des bas, mais actuellement, il joue du hockey tout à fait exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il est tombé dans bonne chance. Sixième défenseur. En début d'année, là, il jouait 22, 23 minutes. Ah, c'est pas ça. Il a besoin de jouer 16 minutes, 15 minutes pour être efficace. C'est un gars qui me fait penser à George Georges. Depuis que Weber est revenu. Oui, ça me fait penser à George Georges un peu. Oui, exact. T'as raison. C'est le genre de joueur, pas beaucoup de talent, mais défensivement, quand on voit 5 contre 4, qui tu penses qui est là? Ouais. Ben est là pour une raison. Il est gros, Il est capable de frapper devant le filet. Il est capable d'éliminer les joueurs qui sont là. Avec Shea Weber, ça fait deux gros bonhommes devant le filet. Puis Price, oui, il est à l'aise avec ça. Il fait le premier arrêt. Il sait qu'il va être protégé. Puis il n'y aura pas toujours des joueurs autour de tour pour ramasser le rebond. C'est exactement ce que le Canadien joue actuellement. Puis il connaît le succès avec ça. Merci, Phil. On s'en parle vendredi prochain. Commentaire de Phil Gagné.